Les rêves qui défilent comme le paysage, le regard bloqué sur la vitre. J'écris mon cœur est insaisissable. Bien sûr que le rap m'a sauvé la vie. Reste sur la réserve, je te l'ai dit qu'on t'aime pas. Un quart d'heure de gloire pour des millions de l'ergas. J'ai pris du recul, c'est vrai que l'histoire est légendaire. Petit âge gros, aime les gendarmes, découvre le rhum et les joints d'herbe. Tu feras quoi plus tard? Je veux pas que mon fils devienne chanteur, je le verrais bien ambassadeur avec sa sœur, tout sauf pasteur. Même si je devine souvent la chute du synopsis. Discret dans les mouvements, attitude shinobi. Mesure barrière, évite la jaunisse du showbiz. Touristes sexuels et les sottises, va pas à Kin pour du shopping. Et l'amitié se fait rare comme un salam sincère. Entouré de peu d'âmes sensées, les proches c'est l'essentiel. Quand les factures s'entassent comme le petit Robert. Combien de l'erga on encaisse pendant que sirotait. Drogué à la zig, j'espère vesquilodé. Passer le réveillon seul, résolution, aucune idée. Les rêves qui défilent comme le paysage. Le regard bloqué sur la vitre. J'écris mon cœur est insaisissable. Bien sûr que le rap m'a sauvé la vie. Les rêves qui défilent comme le paysage. Le regard bloqué sur la vitre. J'écris mon cœur est insaisissable. Bien sûr que le rap m'a sauvé la vie. Petit Georges à la recherche de sensations. Avant ça me coûtait une gardave, maintenant j'en perds des relations. J'suis là pour sécher tes larmes. J'suis là pour prendre ton pouls. D'où je viens, y'a rien de miraculé, à part la chaîne autour de mon cou. On essaie de changer les codes, mais on est vite rattrapé. Le taf et la fatigue en boucle, comme leur son de merde m'a traqué. Perdu entre l'envie de calme et l'envie que ça bouge. C'est pas le scénario d'un film à Cannes, ni d'un prix Goncourt. Non. J'essaie de fermer les yeux, mon sommeil fait des siennes. L'insomnie n'a pas de visa pour le pays des rêves. Posé dans ton lit, tu cherches à faire le buzz. Oublie pas que toutes les révolutions naissent du cœur. Les plans cul, la vie de couple, c'est différent. La tienne a terminé par un étranglement. Des larmes et une toux, tu pouvais plus parler du tout. La gorge nouée quand un sentiment se dissout. Les rêves qui défilent comme le paysage. Le regard bloqué sur la vitre. J'écris mon cœur est insaisissable. Bien sûr que le rap m'a sauvé la vie. Les rêves qui défilent comme le paysage. Le regard bloqué sur la vitre. J'écris mon cœur est insaisissable. Bien sûr que le rap m'a sauvé la vie. J'ai une prime pour chaque larme, pour chaque goutte de sang. Une punchline t'avais poche large, t'as fini en puzzle. Certains vampires encaissent l'ail. Voilà, je reviens, refuse d'échec. 2020, tout ce qui intéresse, montre tes biens, la thune, le sexe. Roland James Blunt avant de me rentrer au village. Chapeau de chef, mon troupeau de chef. Si tu savais ce qu'on envisage. Quand la musique te lâche pas, comme une ex relou. On se fait la guerre, on se rabiboche avec des textes trop lourds. Proche des extrêmes à la frontière de la folie. Près de moi ça sent la fumée, y'a plus d'herbe qu'en Amazonie. Ouais, vive d'alcool et de haine pour mourir seul et incompris. C'est ce que je voulais éviter et c'est pour ça qu'on s'associe. Rares sont les villes où je me sens vraiment chez moi. Paris est de plus en plus froid comme le canon d'un Beretta. Ici la violence est bien plus qu'une option. En guise de mort, l'anesthésie des émotions. Les rêves qui défilent comme le paysage. Le regard bloqué sur la vitre. J'écris mon cœur est insaisissable. Bien sûr que le rap m'a sauvé la vie. Les rêves qui défilent comme le paysage. Le regard bloqué sur la vitre. J'écris mon cœur est insaisissable. Bien sûr que le rap m'a sauvé la vie. Rivaux, rivaux, tu les éclates, y'a pas de débat. T'en partie avec du retard, je passe les détails demain. Sois patient, surmonte les regards et les lergas. La peine se partage comme un kebab. Un adieu sur un quai de gare, Yéma.